la vie est moins qu'une journée à l'éternel. Si l'âme qui fait le tour chansonne le jour sans espoir de repos, si périssable toute chose n'est. Que songes-tu, mon âme emprisonnée? Pourquoi te fais l'obscur de notre jour? Si pour voler à l'heure, le jour plus clair, si doux, tu as au dans le bien emparé. Là est le bien que tout esprit désire, là le repos où tout le monde aspire. Là est l'amour, là le plaisir encore, là où mon âme a plu au ciel guidée, tu pourras y reconnaître l'idée de la beauté dans ce monde jaune. Là où mon âme a plu au ciel guidée, tu pourras reconnaître l'idée de la beauté qu'en ce monde j'adore.